J'suis même plus sur les nerfs, là j'suis trop quillé. Ils ont grandi, me cherchent la merde, j'me suis trop fillé. Dans mon secteur, dans ta zone, ça passe qu'au billet. J'parle de toi, ça te rappelle, juste pour briller. J'suis même plus sur les nerfs, là j'suis trop quillé. Ils ont grandi, me cherchent la merde, j'me suis trop fillé. Dans mon secteur, dans ta zone, ça passe qu'au billet. J'parle de toi, ça te rappelle, juste pour briller. J'me lèverai du bon pied, le jour où la veille j'aurai braqué un banquier. Un qui rien que ça fume des banguets. Ce mec là c'est manqué, normal qu'il se fasse tanker. Comme là-bas qu'on pète des portes sont toquées. Le rap j'vais le violer, j'attendrai pas que les têtes d'affiche me fassent croquer. Dans la rue, combien parlent, combien agissent. Ils parlent de tête à tête mais débarquent à 10. Fils, moi et mes sauces on pense qu'à faire du bénéfice. Quitte à en payer les frais, comme Marcel ou à caisse, te méfier, tu devrais. Au quartier c'est plus la même, trop de frères manquent à l'appel. Ça me fait mal de les voir purger de grosses peines. Au secteur, nique à l'inspecteur, c'est nous on tient les rênes. Moi je reste à part, je me mêle pas de leur part tous. Ils font les macs, ils font les gangs, on les baisse tous. J'suis même plus sur les nerfs, là j'suis trop quillé. Ils ont grandi, me cherchent la merde, j'me suis trop fillé. Dans mon secteur, dans ta zone, ça passe qu'au billet. J'parle de toi, ça te rappelle, juste pour briller. J'suis même plus sur les nerfs, là j'suis trop quillé. Ils ont grandi, me cherchent la merde, j'me suis trop fillé. Dans mon secteur, dans ta zone, ça passe qu'au billet. J'parle de toi, ça te rappelle, juste pour briller. Ok, salam à tous, moi c'est JS31. Je m'en bats les couilles du rap, je me mets jamais sur mon 31. Protège tes reins, on met des crochets plus rapide que Ronaldo. Italiano, Black, Espagne, appelle-moi Jalejandro. J'passe par quatre chemins que quand je vais aux égalades. Voici sans issue, y'a les Schmitt derrière, obligé que j'escalade. Demande à mon meilleur camarade comment ça se passe dans le jargon. Nique les putes, nique les flics, ne calcule pas les dragons. On s'en bat les couilles, on boit un café chocolat noisette. Se prend pas la tête, mais les putes nous cassent les noisettes. Je m'en bats les couilles, je bois un café chocolat noisette. Moi je me prends pas la tête, mais les couilles. Même casse les noisettes, demande à Marie-Antoinette. La hagra je lui mets au lit, y'a aucune hagra qui paye. Sauf celle de Oko si Freddy. Dis leur au petit du check, balance ça paye plus que charbon. Y'a aucune hagra qui paye, sauf celle de Lionel Messi. J'suis même plus sur les nerfs, là j'suis trop quillé. Ils ont grandi, me cherchent la merde, j'me suis trop fillé. Dans mon secteur, dans ta zone, ça passe qu'au billet. J'parle de toi, ça te rappelle, juste pour briller. J'suis même plus sur les nerfs, là j'suis trop quillé. Ils ont grandi, me cherchent la merde, j'me suis trop fillé.